Marie-Jo Jancelin qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie du Lions Club et vous êtes venu annoncer un événement important qui aura lieu à Orléans la semaine prochaine, samedi 20 mai, place d'Arc à Orléans. Il s'agit du dépistage du diabète. J'entends par là du dépistage des gens qui ne se savent pas diabétiques. Pour rappel, en France, il faut savoir qu'un Français meurt toutes les 17 minutes des conséquences de son diabète, que 800 000 personnes sont diabétiques mais ne le savent pas, et qu'elles risquent chacune, en étant non traitées, dans l'ignorance de savoir qu'elles sont diabétiques, elles sont exposées à des risques très graves, à des complications cardiaques, neurologiques, rénales ou oculaires très très sévères. Madame Jancelin, justement, vous êtes venue nous sensibiliser à ce sujet-là et à ce dépistage du diabète. Pourquoi le Lyon s'est intéressé à ce sujet-là en particulier ? Alors, le Lyon s'est intéressé à ce sujet parce que depuis très longtemps, il s'occupe des problèmes de vue. Mmh. Et il y a des contrôles de vue chaque année au niveau national et international. Et à cette occasion, ils se sont rendus compte, ils ont fait justement le lien avec le diabète et les conséquences du diabète, en particulier sur la vue. Mmh. Et ont décidé, c'est parti de Nice d'abord, qui a décidé de faire un dépistage systématique sur la ville de Nice, voyant que ça marchait. Maintenant, c'est généralisé à la France et tous les clubs qui le souhaitent peuvent faire ce genre de manifestation une fois par an. Pour Orléans, ça sera la première, la semaine prochaine ? Non, pour le Loiret, c'est la troisième fois. On pourrait imaginer que ce type d'opération va avoir des répliques plus fréquentes, une régularité pour... Voilà. L'idéal serait effectivement qu'il y ait ce genre de choses chaque année pour que les personnes puissent se faire dépister. Ce n'est pas grand-chose. Je ne sais pas si je peux en parler maintenant, ce n'est pas grand-chose. Alors déjà, la semaine prochaine, samedi 20 mai, vous aurez un stand à Orléans, Place d'Arc, dans le hall d'entrée du centre commercial de Place d'Arc. Voilà. Qu'est-ce qui s'y passera là-bas ? Qui pourra-t-on rencontrer ? Alors, il y aura, nous aurons un stand le long de l'escalator menant anciennement au cinéma. Et tout d'abord, vous rencontrerez des personnes du Lyons bénévoles qui expliqueront un peu le pourquoi. De l'information générale. C'est de l'information très générale. Ensuite, pour les personnes qui souhaitent se faire dépister, elles auront affaire à des élèves infirmières deuxième année, chapeautées par une infirmière, mais très compétente, car faisant partie de l'école de formation des infirmières. Et si la personne est détectée comme un risque potentiel pour diverses raisons, à ce moment-là, il y a un médecin et la personne peut rencontrer le médecin. Alors de 10h à 20h, on le rappelle, samedi prochain, Place d'Arc à Orléans, qui pourra aller se faire dépister ? Donc déjà, c'est à partir de 18 ans ? À partir de 18 ans, car en fait, c'est anonyme. Nous ne prenons absolument pas les noms des personnes. C'est indolore. C'est indolore, très important, effectivement. Et c'est gratuit, bien entendu. Et ça dure moins de 2 minutes. Hein. C'est pas grand-chose pour justement tous les bienfaits qu'on peut en tirer. Voilà. C'est 2 minutes dans sa vie qui peuvent tout changer. Oui. Qu'est-ce que ça peut changer de découvrir qu'on est un terrain favorable au diabète, justement, pour la suite ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien au lieu d'attendre d'avoir de premiers symptômes ? Patrick pourra peut-être nous en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que ça peut changer dans notre vie ? Est-ce que finalement, être dépisté de manière précoce, justement, ça peut nous éviter d'aller vers de graves complications qu'on vient de citer, neurologiques, rénales ? Est-ce que ça peut nous éviter ça ? Oui, parce que dans de nombreux cas, je pense que le diabète est lié à une alimentation, souvent, et à un mode de vie. Une sédentarité aussi. Bon, la sédentarité, c'est pourquoi je parlais de mode de vie, en effet. Et l'alimentation, la sédentarité, et si la personne est au courant de son risque de diabète, ou si elle en a déjà un peu, elle va pouvoir se surveiller, surtout en ayant discuté. Le mot diabète, pour certaines personnes, jeunes en particulier, ne veut pas dire grand-chose. C'est une maladie sournoise, quand même, le diabète, hein, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas les symptômes. Voilà, c'est ça. C'est une maladie où on ne ressent pas les symptômes, et c'est les conséquences qui peuvent être très graves après. Et par opposition à d'autres maladies dont on peut sentir immédiatement des traces, des indices. Et est-ce que tout le monde peut être concerné ? Est-ce qu'il y a une hérédité déjà dans un premier temps ? Est-ce que si dans ma famille je n'ai personne qui est diabétique, est-ce que quand même je dois faire l'effort d'aller me faire dépister parce que j'ai quand même un risque ? Oui. Oui. Oui. Tout le monde doit être concerné par ce problème. Oui, tout le monde doit être concerné, d'autant plus que ce n'est rien. Mmh. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est 2 minutes. Est-ce qu'on est dans une époque où finalement le diabète, il y a une recrudescence du diabète par rapport à nos régimes alimentaires qui sont souvent trop sucrés, par exemple? Potentiellement, je crois. Oui. Donc à partir de 18 ans, quel que soit notre profil, même si on n'a pas personne diabétique dans la famille, oui. Voilà, vous encouragez tout le monde à aller se faire dépister. Si oui. Je n'ai pas le temps d'aller samedi prochain parce que je suis en week-end ailleurs, etc., est-ce qu'on peut aller se faire dépister dans les hôpitaux? Quels moyens a-t-on d'aller se faire un dépistage? Je crois qu'il y a un organisme oui. à la Caisse régionale d'assurance maladie qui envoie un livre régulièrement oui. aux diabétiques qui s'appelle, je crois que ça doit s'appeler Sphéria, si ma mémoire est bonne. Ça permet de donner des informations sur les personnes, sachant qu'il y a des dépistages qui peuvent être faits gracieusement auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie. D'accord, ça c'est important à savoir. Diabète de type 1, diabète de type 2, qu'est-ce que alors, ça signifie? Si le type 1 concerne les personnes qui naissent avec déjà ce problème, donc qui font du diabète depuis la naissance, oui. Depuis la naissance, et qui vont donc être obligés de se piquer tous les jours, se surveiller, je dirais en continu. Voilà, est-ce qu'il y a un âge autour duquel on commence à avoir un risque accentué, où le diabète de type 2 justement va se révéler? Est-ce qu'il y a un âge sensible? Alors ça, je ne sais pas trop, je ne suis pas médecin, mais je pense que c'est lié, comme nous disions, au mode de vie. Mode de vie et alimentation. Alimentation. La semaine prochaine, samedi 20 mai à Orléans, allez voilà. Tous justement retrouver le stand du Lyon, où des médecins pourront vous faire ce test. Je rappelle que c'est gratuit, rapide et anonyme. Ça prend moins de 2 minutes qui peuvent vous changer la vie. Ce test, justement, de dépistage du diabète, quand on l'a fait une fois, est-ce qu'on a besoin de le refaire tous les ans, tous les 2 ans? Il y a une fréquence, ou si finalement on l'a fait une fois, on connaît notre profil et finalement on n'a pas besoin de le faire par la suite? Non, parce que le corps évolue. Oui. Nous avons... moi, personnellement, j'ai eu un problème cardiaque. Bon, je n'ai jamais eu de problème cardiaque. Et un jour, j'en ai eu un. Donc, vous encouragez plutôt à le refaire assez régulièrement, ce test. Oui. Et s'il y a un dépistage annuel, c'est plutôt bien. Pourquoi ne pas le faire? D'autant plus que, comme vous disiez encore, c'est gratuit, anonyme. Ça prend 2 minutes dans une galerie marchande lorsque vous allez faire vos courses. Donc, c'est le début de ces manifestations de dépistage du diabète. Quel accueil avez-vous du public? Est-ce que le public commence à avoir connaissance ou est assez ignorant justement sur la question? Pour l'instant, il est encore ignorant, je pense, majoritairement. Donc vous travaillez à ça justement, à faire connaître. Oui, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. En tout cas, vous en remercie. L'intérêt justement de votre événement samedi prochain, on le rappelle, à Place d'Arc, dans le hall du centre commercial, votre opération de dépistage, c'est d'anticiper toutes les conséquences irrémédiables que ça pourrait avoir, et justement de savoir avant tout ça et de pouvoir adapter sa vie, son régime alimentaire, pour ne pas arriver à ces dégradations terribles et fatales. Donc finalement, c'est de la prévention. Voilà, c'est de la prévention. Il ne faut pas en avoir peur de tout ça, justement. Plus c'est pris tôt. Plus c'est pris tôt, plus on peut éviter les dégâts. De problèmes. Le médecin, en cas de risque potentiel de diabète pour les personnes qui seront passées par les tests, le médecin remettra, après avoir expliqué ce qui se passe, remettra un petit carton sous enveloppe pour le médecin traitant de la personne. Très bien, très très bien. Pour qu'il y ait une suite. Pour qu'il y ait une suite. Ce test-là, voilà, que ça ne reste pas. On n'abandonne pas les personnes comme ça dans la nature. Cet événement est organisé par le Lyons Club. Vous en êtes Marie-Jo Jean-Solin, une représentante aujourd'hui. Le Lyons s'intéresse à beaucoup de causes de ce genre. Oui, alors le Lyons, enfin on peut dire le Lyons ou les Lyons, disons le Lyons Club est général, mais il est fait de petits clubs. Pour nous, par exemple, à Orléans, de toute façon, déjà, j'oubliais, la devise est de tous les Lyons est servir. Mm-hmm. Bon, donc, chaque club regarde un peu autour de lui, chaque personne dans un club regarde autour d'elle qui pourrait avoir besoin de quelque chose, quels sont les manques, les points pour lesquels nous pourrions intervenir. Bon, par exemple, nous avons cette année fait une grosse opération à la Ferté-Saint-Aubin, qui était une nuit du boogie-woogie, et qui a réuni 500 personnes. Et nous avons pu dégager 10 000 euros mais pour la maison de l'autisme, car l'autisme est trop souvent, je ne dirais pas oublié, mais n'est pas suffisamment aidé. Les familles ne sont pas très aidées. Et il manque des structures. Il y a une maison à la Ferté-Saint-Aubin pour les enfants jusqu'à 18 ans et une maison à Boigny-sur-Vionne pour les adultes. Et nous avons pensé qu'il était bon de les aider. Ça se passe assez souvent comme ça dans un club, c'est-à-dire nous cherchons une action, une personne ou une association à qui ira le bénéfice d'une action. Ensuite, nous décidons de l'action à mener et nous remettons le bénéfice donc à la personne. Mais toujours en suivant l'association ou la personne, mais en général ce sont des associations qui ont bénéficié de l'aide d'un club. C'est-à-dire nous ne laissons pas les associations dans la nature, mais nous veillons quand même toujours à voir quand même s'ils ont réellement bien utilisé l'argent. Il y a un contrôle. Une continuité et puis un lien qui se crée entre ceux qui vous aidez et les besoins que vous dépistez finalement aussi, de vous chercher. Oui. Donc on rappelle, en termes de santé publique, c'est très très important et ça concerne tout le monde à partir de 18 ans. Vous donnez rendez-vous à tout le monde pour se faire dépister du diabète samedi prochain, Place d'Arc, dans le hall d'entrée du centre commercial de Place d'Arc. Les médecins, médecins, infirmiers et vous-même, l'équipe du Lyons sera là pour informer, dépister les gens. C'est gratuit, c'est rapide, ça prend moins de 2 minutes et c'est totalement anonyme. Absolument. Donc allez-y. Et $1. Et $1. Un grand, grand merci donc pour ce petit conseil. Et puis, bon, on en reparlera certainement très prochainement avec le Lyons Club de différentes manifestations. Nous ferons sans doute, un direct là-bas, direct la semaine prochaine, justement, pour avoir un retour sur place des professionnels qui seront là-bas. Et puis, pourquoi pas du public, comme on disait, qui est assez peu renseigné sur la question. Il faut que ça se développe en France en général. Et le Lyons travaille à ça partout en France. Merci à Radio Arc-en-Ciel. Émilie, merci beaucoup de tout ce qui s'est passé aujourd'hui en ta compagnie. On a fait un grand tour sur l'actualité musicale. Bon week-end à toutes et à tous.